sein de l'abbatiale de Remiremont à 20h30 et ensuite le samedi 21 décembre à 20h30 également à l'église de Plombières. Voilà, tout à fait. L'école est associée aussi également à ces concerts. D'accord. Alors c'est des concerts traditionnels, on va dire, de Noël, qui est organisé par deux grandes associations du territoire, le Chœur des Abbesses, oui, et le Brass Band de Remiremont. Wow. Voilà, qui organise depuis très longtemps des concerts communs à l'occasion de Noël. D'accord. Et là, cette année, on a un autre ensemble de saxophones aussi qui va participer, de l'école intercommunale de musique, voilà, qui participe à Plombières, et puis le Brass Band Junior aussi qui va être sur les, voilà, ces deux concerts. C'est super pour ces élèves justement de pouvoir se produire en public, hein, c'est un petit peu quand même l'aboutissement de tout le travail qu'ils fournissent. Bien sûr, hein, oui, c'est le but, ouais. C'est on travaille là-dessus toute l'année. Ah voilà, donc ce premier concert ça aura lieu ce vendredi 13 décembre à 20h au Centre Socio-Culturel de Saint-Nabor, au sein de la Salle d'Europe. Donc vous y retrouverez les élèves de l'École Intercommunale de Musique de la Porte des Vosges Méridionales. Et ce concert est en entrée libre, donc surtout n'hésitez pas à aller vous divertir les oreilles et encourager ces élèves. Merci beaucoup Pierre-Marie Budelot d'avoir répondu à mes quelques questions et on vous souhaite une très très bonne continuation avec vos élèves, très belle continuation musicale pour tous. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci Lia. Tout de suite, première pause musicale avec Enrico Macias et Donnez-moi. L'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je sais, c'est toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante pour connaître chaque jour. Donnez-moi, Dieu vous le rendra. Donnez-moi de la tendresse, surtout pas d'argent. Gardez toutes vos richesses, car maintenant le bonheur n'est plus à vendre, le soleil est roi. Asseyez-vous à ma table, écoutez-moi. On est tous sur cette terre des mendiants de l'amour. Qu'on soit franc ou millionnaire, on restera toujours les mêmes. Ces hommes extraordinaires, ces mendiants de l'amour. Moi j'ai besoin de tendresse chaque jour. Donnez, donnez, donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Laissez-moi vous dire la générosité, c'est une larme, sourire à partager. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante ce qui m'aime et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être un mendiant de l'amour. Moi, je chante vos fenêtres chaque jour. Donnez, donnez, donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Donnez, donnez, donnez, donnez, donnez-moi. Donnez, donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante ceux qui m'aiment, je sais. Enrico Macias sur RGM, presque 8h41, on parle anniversaire. Ils sont nés un 11 décembre 1930. Naissance de Jean-Louis Trintignant, acteur français, vu dans Et Dieu créa la femme, Les liaisons dangereuses 1960, Austerlitz, Merveilleuse Angélique, Paris brûle-t-il, Un homme et une femme, Un homme et une femme, 20 ans déjà, Ceux qui m'aiment prendront le train, Amour, récompensé de la Palme d'Or au Festival de Cannes ainsi que du César du meilleur acteur. 1931, naissance de Rita Moreno, actrice portoricaine, vue dans Chantons sous la pluie dans le rôle de Zelda Sanders, West Side Story dans le rôle d'Anita, récompensée de l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. 1938, naissance d'Enrico Macias, chanteur français et également acteur, vu dans La vérité si je mens 2 et 3. 1940, naissance de Donna Mills, actrice américaine, connue pour son rôle d'Abby Fairgate, Cunningham, Ewing, Sumner dans la série télé Côte-Ouest et vue également dans les séries Melrose Place et Nip/Tuck. 1944, naissance de Brenda Lee, chanteuse américaine. 1947, naissance de Terry Garr, actrice américaine, vue dans Rencontre du troisième type de Steven Spielberg dans le rôle de Ronnie Neary. 1948, naissance de Chantal Neuwirth, actrice française connue pour son rôle d'Annie Touchard dans la série Caméra Café. 1954, naissance de Jermaine Jackson, chanteur américain. 1962, naissance de Ben Broder, acteur américain, vu à la télévision dans La Vie à 5, Farscape dans le rôle de John Crichton, Stargate SG-1 saison 9 et 10 dans le rôle du lieutenant-colonel Cameron Mitchell, Arrow et au cinéma dans Les Gardiens de la Galaxie 2. 1970, naissance de Grégory Baquet, acteur et chanteur français, vu dans les téléfilms Les Edelweiss, Panique aux Edelweiss et Les Edelweiss quand les parents débarquent dans le rôle de Philippe, dans les séries Extrême Limite dans le rôle de Mathieu, Une femme d'honneur dans le rôle de Stéphane Clouseau, Joséphine Ange Gardien ou encore Alice Nevers, Le juge est une femme dans le rôle du lieutenant Ludovic et vu dans la comédie musicale Roméo et Juliette dans le rôle de Benvolio. Et on va écouter un petit extrait pour se remémorer cette comédie musicale. Il interprétait le titre « Comment lui dire ?» Moi qui n'ai pas d'importance, qui ne suis que son ami d'enfance, qui n'aimait que les femmes et la danse, c'est fini. Nous étions hier encore, si loin de la mort. Elle est tombée sur la ville, comme une araignée tissant son fil. Nous étions les rois du monde, oui mais nos blessures sont trop profondes. Et même si demain le temps s'arrête, ça ne fera pas revivre Juliette. Et c'est moi qui dois lui dire ça. Comment lui dire? Comment lui dire qu'est arrivé le pire? Comment voilà pour l'extrait du titre « Comment lui dire » interprété par Grégory Baquet. Et hier, on a appris le décès de la chanteuse Marie Fredriksson du groupe suédois Roxette. Ils ont fait de nombreux tubes qui ont été d'ailleurs repris plusieurs fois. Et on va écouter un extrait de l'un de ces titres qui s'intitule « It Must Have Been Love ». On écoute tout de suite un extrait. Voilà pour l'extrait donc du groupe Roxette. Allez, comme tous les mercredis, on fait un point sur les sorties cinéma. On commence avec le film Black Christmas, un film d'épouvante, d'horreur de Sofia Takkal avec Imogen Poots, Elsie Shannon et Lily Donog. Autre film, Les Envoûtés, un drame de Pascal Bonitzer avec Sarah Giraudeau, Nicolas Duvauchel ou encore Nicolas Maury. Autre film, Une vie cachée, drame biopic de Terrence Malick avec Auguste Diel, Valérie Pechner et Maria Simon. Autre film, La vie invisible d'Eurydice et Gus Mao, drame romance de Karim Aïnouz avec Carole Duarte, Julia Stockler ou encore Gregorio Duvivier. Autre film, Docteur, comédie de Tristan Segala avec Michel Blanc, Hakim Djemili ou encore Solène Rigaud. Autre film, cette fois c'est pour les enfants, un film d'animation intitulé Le Cristal Magique. On continue avec une drame comédie intitulée Lola vers la mer de Laurent Micheli avec Mia Bollars, Benoît Magimel ou encore Else Dequeculier. Et dernier film, Jeune Juliette, comédie de Anne Aymon avec Alexane Jemison, Léane Désilé et Robin Aubert. Voilà pour les sorties cinéma. Tout de suite, on s'écoute la chanteuse Brenda Lee avec le titre Rocking Around the Christmas Tree. Oh. Couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of pine. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Voilà, c'était Brenda Lee sur le 107 FM, presque 8h50 et tout de suite on parle météo. La météo. Pluie et nuages au programme d'aujourd'hui, des températures comprises entre 3 et 4 degrés ce matin, entre 4 et 5 degrés pour cet après-midi. Pour demain, jeudi, de la pluie et neige mêlées principalement sur Remiremont et les hauteurs vosgiennes. On aura peut-être quelques éclaircies demain après-midi, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 3 et 4 degrés prévus pour demain après-midi. Et vendredi, ce sera une journée pluvieuse, des températures comprises entre 2 et 3 degrés le matin, entre 6 et 7 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, tout de suite, on file faire un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Football, Ligue des Champions, Lille qui était déjà éliminée de la compétition s'est inclinée à Chelsea hier soir sur le score de 2-1. Lyon a fait match nul, 2-2 face à Leipzig. Ça suffit à Lyon pour se qualifier. À noter la victoire de Barcelone 2-1 sur la pelouse de l'Inter de Milan. Et à noter l'élimination de la Ligue des Champions de l'Ajax d'Amsterdam, demi-finaliste l'an passé. Et bien là, ils sont relégués en Ligue Europa. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain reçoit Galatasaray. La Juventus Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo et Blaise Matuidi se déplacent à Leverkusen. Le Real Madrid se déplace à Bruges. Et enfin, le Bayern Munich reçoit Tottenham. Et on va parler de l'équipe de France et plus précisément de Didier Deschamps. On a appris hier que le sélectionneur français avait prolongé son contrat jusqu'en 2022. Un mot de basket maintenant. Tout d'abord, du côté de chez nous en National 1, la défaite du Jet Vosges à Besançon, 94-84. Et en NBA, il y avait des duels franco-français cette nuit entre tout d'abord l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et l'équipe de Washington de Miami. Et c'est Charlotte qui s'est imposée 114-107. À noter que pour Nicolas Batum, c'est deux rebonds et une assistance, pardon. Et pour Miami, 9 points. Et enfin, il y avait Portland, l'équipe d'Oar, face à l'équipe de New York de Tilikina. Et c'est victoire de Portland, 115-87. 4 points et 2 rebonds pour Oar. Et 2 points et une assistance pour Tilikina. Voilà pour l'actualité sportive, oui, très courte en ce mercredi matin. On va donc tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Jermaine Jackson, son duo avec Piazzadora sur le titre « When the Rain Begins to Fall ». Jermaine Jackson, Piazzadora sur RGM. Il est un peu plus de 8h56 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir avant de se quitter définitivement. Je vous parle depuis lundi de la journée plaisir et bien-être qui aura lieu 12 rue des Capucins à Remiremont ce samedi de 10h à 23h. Entrée libre et gratuite, une journée dédiée aux femmes. À noter que les enfants sont les bienvenus. Des animations et ateliers créatifs sont prévus toute la journée. Les stands qui seront présents, aînés, massages, relooking, que ce soit coiffure, maquillage ou vêtements, bar à ongles, produits minceurs, phyto, soins du visage et du corps, sophrologie et même voyance. Pour tout renseignement complémentaire, le numéro de téléphone c'est le 06 75 95 44 34 et l'adresse mail c'est creacoupdecoeur@hotmail.fr. Allez, on fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 10h, on se retrouve avec les Jeunes. À 11h30, ce sera En route vers l'insertion avec Chris. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou. 20h, Nothing But The Blues. Et 21h, ce sera la Big Antenne avec Damien et son équipe. Et nous, on se retrouve demain matin. Excellente journée à tous.